مسکے مسجد. La mosquée, masjid, au pluriel masajid, est le lieu islamique de l'adoration et l'axe autour duquel la vie entière de la communauté musulmane tourne. De l'importance de la mosquée, on comprend pourquoi la première tâche que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, entreprit dès son arrivée à Médine, fut la construction d'une mosquée. Les mosquées sont en premier في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Les maisons qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué. Sourate la Lumière, verset 36. En réalité, les mosquées sont les meilleurs endroits auprès d'Allah, comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a dit. Du fait de leur statut particulier et de la position unique qu'elles occupent en islam, Allah le Très-Haut récompensera abondamment ceux qui construisent des mosquées pour sa cause. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque construit une mosquée pour la seule satisfaction d'Allah, Allah lui construira une demeure au paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les mosquées doivent toujours rester propres et bien entretenues. Les musulmans doivent les respecter. Ils ne doivent pas y aller en dégageant des odeurs nauséabondes. Ils ne doivent pas emmener avec eux des enfants en bas âge qui peuvent violer leur sacralité et gêner les fidèles. Ils ne doivent pas y élever la voix, discuter d'affaires mondaines ou s'engager dans du commerce et des affaires. Accomplir les 5 prières quotidiennes à la mosquée permet d'obtenir de grandes récompenses. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah prépare un banquet pour ceux qui viennent régulièrement visiter la mosquée matin et soir pour y accomplir leurs prières. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a aussi dit « La personne dont le cœur est attaché aux mosquées sera à l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection », rapporté par Al-Bukhari.